Sollen est un autre verbe porte-manteau qui est très utilisé en allemand. Sollen signifie devoir, mais quand on parle d'un devoir au sens d'une obligation extérieure. Comme nous l'avons vu précédemment, sollen peut aussi permettre d'exprimer une suggestion, un conseil. On l'emploie donc pour dire « je dois »,« il doit », etc. Et dans le cas d'une suggestion ou d'un conseil, « je devrais », »,« il devrait », etc. Ich soll, er soll, es soll, wir sollen, sie sollen et du sollst. En employant sollen, comment diriez-vous vous devez me dire? Sie sollen mir sagen. Sie sollen mir sagen. Et toujours avec sollen, vous devez venir avec nous, nous accompagner. Sie sollen mit uns mitkommen. Sie sollen mit uns mitkommen. Sie sollen est assez fort. Il correspond à vous devez. Mais il est aussi très souvent utilisé pour faire une suggestion, auquel cas il correspond à vous devriez. Mais pour la forme du conditionnel vous devriez, vous pouvez également employer la forme sollten. Sie sollten. De la même manière qu'on a könnten, on a sollten. Ainsi, comment direz-vous vous devriez aller là-bas avec nous? Comme la phrase indique un mouvement, là-bas se traduit par dorthin. Dorthin. Sie sollten mit uns dorthin gehen. Oui, vous devriez aller là-bas avec nous peut se traduire Sie sollten mit uns dorthin gehen. Mais aussi Sie sollen mit uns dorthin gehen. Puisque sollen permet aussi de faire cette suggestion. Sollten peut également indiquer le passé de sollen, s'il est associé à des expressions comme hier, la semaine dernière, etc. Par exemple, comment diriez-vous vous deviez aller là-bas hier? Sie sollten gestern dorthin gehen. Sie sollten gestern dorthin gehen. Ici, Sie sollten correspond à vous deviez et ich sollte à je devais, j'étais censé. Comment diriez-vous j'étais censé aller là-bas hier? Ich sollte gestern dorthin gehen. Ich sollte gestern dorthin gehen. J'étais censé aller là-bas hier. Ich sollte gestern dorthin gehen, aber ich konnte nicht. Mais je n'ai pas pu. Weil ich sehr beschäftigt war. Parce que j'étais très occupé. Weil ich gestern sehr beschäftigt war. Avec gestern qui vient au début. Parce que j'étais très occupé hier. Ich konnte nicht se traduit par je n'ai pas pu. Mais en réalité, c'est je ne pouvais pas. Comment diriez-vous je ne pouvais pas aller là-bas avec vous? Ich konnte nicht mit Ihnen dorthin gehen. Ich konnte nicht mit Ihnen dorthin gehen. Je ne pouvais pas aller là-bas avec vous. Konnte exprime le passé. Comment diriez-vous je devais le préparer hier? Vorbereiten signifie préparer. Vorbereiten. Donc, je devais le préparer hier. J'étais censé le préparer hier, c'est Ich sollte es gestern vorbereiten. Ich sollte es gestern vorbereiten. Associé à gestern, ich sollte exprime un passé et signifie je devais. Mais si ich sollte est associé à jetzt, alors il veut dire je devrais. Comment diriez-vous je devrais le faire maintenant? Ich sollte es jetzt tun. Ich sollte es jetzt tun signifie bien je devrais le faire maintenant et non j'étais censé le faire maintenant. Ich sollte es jetzt tun. Aber ich kann es nicht tun. Je devrais le faire maintenant, mais je ne peux pas le faire. Et maintenant, comment diriez-vous j'ai dû le faire? Ich habe. Ich habe es tun. Tun. Sollen. Sollen. C'est ça. Donc, pour les verbes porte-manteau, on emploie la même forme que celle de l'infinitif pour plonger dans le passé. La forme « ich habe gesollt » n'est pas utilisée. En tant que verbe porte-manteau, on utilise « sollen » pour plonger dans le passé. J'ai dû le faire, « ich habe es tun sollen ».